Ma chérie, elle a des secrets dans le cœur. Ma chérie, elle a des regrets, des rancœurs. Oh, ma chérie, elle parle doucement, doucement. Ma chérie, n'aime pas les mouvements, mouvements. Mais j'aimerais l'emmener, l'emmener, l'emmener. Mais j'aimerais l'emmener, l'emmener, l'emmener. Mais j'aimerais l'emmener, l'emmener, l'emmener. Pourtant, ma chérie, elle veut me sortir de son cœur. Et je t'ai donné mon cœur, et maintenant, c'est la guerre. Et je pourrais déçu jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Avec ses copines et ses tontines, quelqu'un polémique. Toute la journée sur les gens, ils vomissent, elles vomissent, c'est à croire qu'elles sont boulimiques. Si c'est comme ça, je restais tout seul à me faire du souci. Elle se traite, je me fusille de façon, j'ai vu ta vraie facette. Et je traîne un homme riche, troisième du nom nommé Richard. Et faire du shopping caviar et non du riche. Emine, amen, c'est Dieu qui donne. Amen, c'est Dieu qui donne. Et je t'ai donné mon cœur, et maintenant c'est la guerre. Et je pourrais te suivre jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Petit, t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Moi je veux ton cœur et tu t'en fous, hein. Et mes cadeaux, toi tu t'en fous, hein. Je suis dingue de toi, je l'avoue, hein. Et qu'on arrête un peu de jouer. Et c'est vrai que des fois y'a tes copines à mes pieds. J'suis toujours resté droit, j'ai un mental d'acier. J'ai commis un délit, mon soir il est scellé. Chica ma solo, il n'y a plus de délai. Je ne veux plus qu'on sente la gadou, qu'on reste propre comme une fraise. Tagada, angaye, là j'en perds le sommeil. Angaye, j'vais atteindre le sommeil. Je te donnais mon cœur, et maintenant c'est la guerre. Je pouvais te suivre jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Petit, t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Mannequin, mannequin. Mannequin, mannequin. Mannequin, mannequin. Et je t'ai donné mon cœur. Et maintenant, c'est la guerre. J'ai voulu te suivre jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Petit, t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Et je t'ai donné mon cœur. Et maintenant, c'est la guerre. J'ai voulu te suivre jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Petit, t'es mon mannequin. Mannequin, mannequin, mannequin, mannequin, mannequin.